الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Donc on continue بإذن الله تعالى l'explication du livre en langue française intitulé « Min kunuz al-Qur'an al-Karim » parmi les trésors du Saint-Coran, et qui est un livre qui a été écrit par le grand savant de Médine Abd al-Muhsin ibn Hamad al-Abbad hafidhahullah ta'ala wa ra'a. On s'est arrêté à Surat al-Shura, Surat al-Shura qui est la consultation, et le shir il va prendre deux versets du 27 au 28. يقول الشيخ حفظه الله قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Si Allah attribuait ses dons avec largesse, donc on voit que le verbe ici basata, donc c'est faire largesse, attribuer avec largesse, donner beaucoup de bien sans compter. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous, bien sûr à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. La baraou, des abus, des transgressions. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Yunazilu biqadarim ma yasha. Il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Et ensuite, il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Innahu bi'ibadi khabirun basir. Donc on va voir ici, et ça c'est une règle au niveau du Coran, que tout le temps les noms qui suivent un verset sont en relation avec ce qui a précédé. Donc on voit bien ici qu'il est question d'attribution des dons avec mesure. Tayyib. Et ensuite Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'il est khabirun basir bi'ibadi, c'est-à-dire qu'il est, par rapport à ses créatures, il les connaît parfaitement, parfaitement connaisseur de ses créatures, il est clairvoyant. Ensuite, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliy al-hamid. Donc là aussi on voit, et c'est lui qui fait descendre la pluie. Donc al-ghayth, comme le cheikh va l'expliquer, al-ghaythu, c'est en fait al-matar, c'est la pluie. Donc ce sont des synonymes. C'est pour ça qu'on dit nastarith, c'est-à-dire qu'on demande à Allah Azzawajal, natlub min Allah Azzawajal al-ghayth. On demande à Allah Azzawajal al-ghayth, qui est al-matar, donc la pluie. Donc si on peut l'écrire en arabe, c'est un synonyme de al-matar. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata wa huwa al-waliyul hamid. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on en ait désespéré. Il répand sa miséricorde, et c'est lui le maître, le digne de louange. يقول الشيخ أخبر الله عز وجل في الآية الأولى أن من أسباب البغي والطغيان بسط الله عز وجل الرزق لعباده كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Ça c'est في سورة العلق verset 6 ou 7. 6 et 7. وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في سورة الإسراء في الفرس 16. Donc ici et les autres versets qu'il va citer, le shir dans un premier temps il nous dit que dans le premier verset, donc le verset 27 sur la Shura, il dit que min asbab al-bari wa al-turyan, parmi les causes de la transgression, de la violation bien sûr des lois et des règles d'Allah Azzawajal. Bastullah rizqa li'ibadi, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azzawajal fasse largesse à ses serviteurs pour ce qui concerne rizq, pour ce qui concerne la subsistance. Subhanallah. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Et il va nous appuyer cela par d'autres versets du Coran, le shir. Donc c'est pour ça que des moments on s'étonne et on se dit pourquoi Fulan il n'est pas riche, ou pourquoi nous-mêmes on se dit pourquoi Allah Azzawajal ne m'a pas donné plus par rapport au bien. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il demandait à Allah Azzawajal d'être protégé de al-faqr, qui est bien sûr la pauvreté et qui est une fitna en elle-même, la pauvreté, mais également de la richesse, parce que la richesse est une grosse fitna. Si demain toi ya Abdullah, Allah Azzawajal afta alayk, c'est-à-dire il t'ouvre des portes et que tu deviennes riche, nasallallahu al-thabat, c'est-à-dire demande à Allah Azzawajal al-thabat, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu ne sais pas ce qu'Allah Azzawajal va te réserver de par cette richesse, et que ça peut être une cause de ta perdition fi hadhihi dunya. Et combien on a vu de gens, Allah Azzawajal leur a ouvert, wallahi inni a'rif, que je connais des gens qu'Allah Azzawajal leur a ouvert les portes du risque, les portes du bien, ils sont devenus riches. Wallah, ils sont venus des mutakabbirin, ils sont venus des prétentieux. Comme il va nous dire le shir, il va employer ce terme, la prétention, lorsqu'il va dire asharran wa bataran, lorsqu'il rapporte la parole de Ibn Kathir. Prétentieux envers al-khalq, c'est-à-dire prétentieux par rapport aux créatures. Et même, ils vont délaisser l'adoration. Beaucoup de gens ont délaissé l'adoration lorsqu'ils sont devenus riches. Donc en fait, lorsqu'Allah Azzawajal, il donne, comme ici dans la deuxième partie du verset, وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ, c'est-à-dire qu'il descend avec mesure à qui il veut. Et il sait, Allah Azzawajal, comment il a créé ses créatures. Il connaît ses créatures, il sait ce qui est bon pour eux. Donc si Allah Azzawajal, si toi t'as voulu richesse, tu as voulu plus que Allah Azzawajal t'a donné, alors sache que c'est min rahmatillah alayk, c'est une miséricorde d'Allah Azzawajal pour toi qu'il ne t'a pas donné plus. Et parmi les versets qu'il nous a cités, donc surat al-Alaq, qui est le verset 6 et 7, et qui est le suivant, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse, avant cela, prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Inam. Il va nous donner également le verset qui concerne Qaroun et qui était un exemple par rapport à ça. Allah Azzawajal nous a donné cet homme comme exemple de ceux à qui il a fait largesse et qu'ils se sont estimés suffisants à eux-mêmes de cause de leur richesse, sans revenir à Allah Azzawajal et sans remercier et avoir de la gratitude envers les biens d'Allah, envers Allah par rapport à ce qu'il nous a donné comme bien. Et aussi le deuxième verset qu'on a cité, et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, entre parenthèses bien sûr, ça c'est le mafoum al-aya, mais au contraire ils se livrent à la perversité, alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Et on a vu dans un autre verset qu'il est traduit également comme ici le terme mutarafiha, c'est-à-dire ceux qui sont aisés, les gens aisés. Parmi également les versets que le shir nous donne pour prouver cela, qui est le verset suivant, يقول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ça c'est في سورة النحل, c'est le verset 112. Et Allah propose en parabole une ville, elle était en sécurité, tranquille, sa part de nourriture lui venait partout en abondance. Puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur. Bien sûr, ici en punition, en termes de punition de ce qu'il faisait. Donc on voit ici par rapport à ces gens qui habitaient cette ville, cette cité, dont Allah Azzawajal leur a donné les bienfaits et leur a fait largesse de ces biens, subhanahu wa ta'ala. Regardez quel était le résultat, subhanallah. Et ensuite le dernier récit qu'il nous donne, et c'est l'exemple donc qu'on a donné par rapport à une personne qui est la suivante, que l'on retrouve dans ce verset, قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة بالعصبة أولي القوة وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Donc ça c'est sourate Al-Qasas, le verset 76. En vérité, Qarun, donc Qarun, qui était parmi du peuple, qui faisait partie du peuple de Moïse, mais il était rempli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il lui a donné de grandes, grandes richesses, Qarun. Et le résultat, c'est qu'il s'est bien sûr, il est devenu ingrat et prétentieux envers le Khalq et envers Allah Azza wa Jal. Et on sait la fin qui lui est arrivée, Wallah al-Musta'an. Il nous rapporte, Shir, la parole de Ibn Kathir, fi tafsir al-Aya. Et il nous dit, لو أعطاهم فوق حاجتي من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا. قال قتادة كان يقال خير العيش ما لا يهليك أو ما لا يلهيك ولا يطغيك ما لا يلهيك ولا يطغيك. طيب. Donc en fait Ibn Kathir il nous explique ce verset, يعني ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. Il nous dit que si Allah عز وجل leur avait donné au-dessus de leurs besoins pour ce qui est de leur subsistance, alors cela les aurait poussés à la violation, à la transgression des uns par rapport aux autres, pour ce qui est bien sûr de la prétention, pour ce qui est comme yaqul bataran, c'est-à-dire qu'ils vont s'enorgueillir les uns par rapport aux autres, Allah musta'an. Et c'est pour ça que Qatada rahimallah il disait khayrul 'aysh, la meilleure des vies, ma la yulhik, c'est-à-dire elle ne te détourne pas de l'adoration d'Allah, du rappel d'Allah Azza wa Jal. Wala yutrik, c'est-à-dire qu'elle ne te fasse pas devenir transgresseur, qu'elle ne te fasse pas devenir transgresseur et ingrat par rapport au bien d'Allah. Et ensuite, en citant Ibn Kathir ou en expliquant la deuxième partie du verset, ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولكن يرزق من الرزق ما يختار مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك فيغني من يستحق الغناء ويفقر من يستحق الفقر. C'est-à-dire qu'il connaît mieux Allah Azza wa Jal les gens. Il sait pour qui la richesse lui est favorable et il sait pour qui la pauvreté lui est favorable. C'est pour ça qu'il dit wa yuftir man yastahiq al-faqr wa yughni man yastahiq al-ghina. La richesse pour certaines personnes, ça peut être un bien, parce qu'on connaît certaines personnes, on voit des gens de bien malgré leur richesse qui font le bien autour d'eux, qu'ils donnent fi sabilillah, qu'ils aident les pauvres, etc. Donc ça peut être un bien pour cette personne, ou ça peut être un mal. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, pour une personne qui ne méritait pas cette richesse, il lui donne cette richesse, mais en contrepartie, qu'est-ce qui va arriver de cette personne, ou qu'est-ce qu'elle va faire en contrepartie? Elle va devenir ingrat, comme ça a été le cas de Qarun et des autres. Et donc cela, ça aurait été une cause pour lui de sa perdition. Et il ne s'en prend qu'à lui-même. C'est lui qui, lorsque la richesse est venue, n'a pas su faire face à cette fitna. Wallah al-musta'an. De même pour ce qui est de la pauvreté. Exactement, dans l'autre sens, pour ce qui est de la pauvreté. On voit que la personne qui est pauvre, elle adore Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et c'est une personne pieuse. Et si Allah Azza wa Jal lui avait donné de l'argent, et si elle avait renversé sa situation, alors elle serait venue, Wallah Azzawajal wa a'lam bidhalik, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal sait et ça fait partie de sa science absolue, alors cette personne serait devenue ingrat envers Allah Azzawajal et serait été la cause de sa perdition. Donc min rahmatihi, il l'a laissé dans cette pauvreté. Et on sait bien que le plus de gens qui vont entrer le paradis, ce sont les pauvres. Les gens qui vont entrer le paradis, qui sont les plus nombreux, ce sont bien sûr les pauvres. Et ensuite, il va nous donner également l'explication de Al-Qurtubi, par rapport, qui lui nous cite une parole de Ibn Abbas, et qui dit Bariyum talabu manzilatan ba'd manzila, wa dabbatan ba'd dabba, etc. C'est-à-dire que Ibn Abbas, il nous dit ici Bariyum, c'est-à-dire comment eux ils vont transgresser, comme cela est cité dans le verset. C'est-à-dire comment ils vont commettre abus, comment ils vont transgresser, c'est lorsqu'ils vont demander une demeure après demeure. Ils vont demander monture après monture, etc. Fa arada law a'ta'um al-kathir la talabu ma wa akthar minhu. لقوله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذاب لبتغى إليهما ثالثا. Et ça c'est connu de l'homme dans sa nature, il est comme ça, subhanallah. Et c'est ce que nous explique donc Ibn Abbas. L'homme, lorsque tu lui donnes, il veut toujours plus. Et c'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم, dans ce hadith, il nous dit, si le fils d'Adam avait eu deux valets complètes d'or, il aurait voulu une troisième. Il aurait voulu une troisième, subhanallah. Wahada wal bari. Ceci, dans le verset, comme nous l'explique Ibn Abbas, et comme nous le rapporte Al-Qurtubi, ceci est le bari, ceci est la transgression, de vouloir toujours plus, et ne de ne pas se contenter de ce que l'on a, Al-Qana'a. Il nous donne également une autre explication par rapport au hadith, une autre interprétation qui a été donnée. C'est-à-dire par ce qui est voulu par risque, c'est al-matar. Ce qui est voulu par risque, c'est al-matar. Et on va voir, bien entendu, dans le deuxième verset qu'il est cité al-matar, par le terme, bien sûr, al-raif. Et donc, il nous dit waqil arada bir risq al-matar alladhi huwa sabab ar-risq. C'est-à-dire, bien sûr, al-matar, c'est-à-dire la pluie, c'est la cause de la subsistance. Hey. لو أدام المطر لتشاغلوا به عن الدعاء فيقبض طارة ليتضرع ويبسط أخرى ليشكروا. Donc Allah Azza wa Jal, de par sa sagesse, qu'est-ce qu'il fait Allah Azza wa Jal? Il retient la pluie. Il retient la pluie, ce qui engendre par rapport aux créatures ce qu'il appelle, c'est-à-dire qu'ils vont s'humilier devant Allah Azzawajal de par les doigts, et ils vont lui demander. Et donc ça c'est un des grands actes d'adoration. Et une autre fois, il va leur faire, ou il va faire descendre la pluie. Et afin ici, yashkuru, afin qu'ils remercient Allah Azzawajal, et qu'ils soient qu'ils fassent preuve de gratitude envers lui. Et ça aussi, ashuk, ça fait partie des adorations envers Allah Azzawajal. Et donc, s'il avait tout le temps fait descendre la pluie, sans qu'on ait donc besoin de demander à Allah Azzawajal, alors automatiquement, on aurait délaissé Ad-Dua, c'est-à-dire l'invocation. Ça fait partie de la nature humaine. On aurait délaissé l'invocation. On aurait oublié. Donc, de par sa sagesse, Allah Azzawajal, il fait cela, et il fait cela, subhanahu wa ta'ala. Et dans le deuxième verset, le shiri nous dit qu'Allah Azzawajal, il fait donc part de sa miséricorde, comme cela est cité dans la deuxième partie ou dans le deuxième verset. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on en ait désespéré et répand sa miséricorde. Donc Allah Azza wa Jal, il répand sa miséricorde. Bifadlihi fayanshuru ar-rahmata wa ya'ummu bifadlihi al-khayr. C'est-à-dire qu'il fait donc, il répand sa miséricorde et le bien de par le mérite d'Allah Azza wa Jal, de par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le bien devient général pour les hommes. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal yaqul فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. Ça fait surat al-Rum, c'est le verset 48 et le verset 49. Puis lorsqu'il atteint avec elle qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent. Bien sûr, ici, par rapport à la pluie, al-Matar. إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. نعم. La suite du verset ou le deuxième verset, le deuxième verset en français. نعم. Même s'ils étaient auparavant, avant qu'on ne les fait descendre sur eux désespérés, لمبلسين. Même s'ils étaient auparavant, avant qu'on ne les fait désespérer sur eux, qu'on les fait descendre sur eux désespérés. Donc ici on voit exactement ce que le chien nous explique à travers ce verset. Ensuite, il dit Rahmatullah rahmatan. Rahmatun yasifatu min sifati qaimatun bidhati ala alwajhi alladhi yaliqu bikamali. Wallahu ta'ala min asma'i ar-Rahman ar-Rahim wa min sifati ar-Rahma. Wa rahmatun ya min makhluqati wa ya min athari rahmati allati yasifatun min sifati. ومنه قوله تعالى في هذه الآية وينشر رحمته وقوله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. Donc ici le cheikh nous explique que la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est de deux miséricordes. Rahmatullah rahmatan, deux miséricordes. La première miséricorde, c'est en fait un des attributs parmi ses attributs. قَائِمَةٌ بِذَاتِي عَلَى الْوَجِ الَّذِي يَلِيقُ بِكَمَالِهِ. C'est-à-dire, il nous dit le shirk que c'est un attribut qui est propre à l'entité divine. Allah Azza wa Jalla, il est miséricordieux tout le temps. دَائِمًا أَبَدًا لَا يَزَالُ رَحِيمًا أَوْ لَا يَزَالُ رَحْمًا. Donc, ce qu'on comprend d'ici, c'est que cette miséricorde fait partie des attributs qui sont propres à l'entité divine, sifatun dhatiya. Et c'est pour ça qu'il nous cite parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla ar-Rahman wa ar-Rahim wa min sifati ar-Rahma. Donc ce que l'on, bien sûr, ce que l'on extrait ou ce qui induit dans le nom ar-Rahman comme dans le nom ar-Rahim, c'est ar-Rahma, c'est la miséricorde. Donc la miséricorde fait partie de ses attributs. Et on avait expliqué et détaillé par rapport à cette question là certainement dans les cours ou dans l'explication de Al-Fatiha, que la miséricorde de Ar-Rahman, ce n'est pas la même miséricorde que Ar-Rahim. Et on avait dans ce cours détaillé la différence. Et on avait même expliqué qu'il y avait une miséricorde qui était en fait propre à l'entité divine, pour être plus précis dans la parole, par rapport à la parole du shirk, et une entité et qui était en fait Rahmatur Rahman, et un attribut qui était propre à l'acte divin. Et qui est Rahmatur Rahim, comme on l'avait expliqué par rapport à l'éclaircissement que nous avait donné Ibn Qayyim et d'autres savants. À la kulli hal, Rahma, c'est-à-dire la miséricorde de manière générale, c'est un des attributs, comme il nous dit le shir, qui est propre à l'entité divine. Ça, c'est la première, le premier attribut ou la première miséricorde. Et il nous dit وَرَحْمَةٌ هِيَ مِنْ مَخْلُقَاتِ, c'est-à-dire une autre miséricorde et qui elle fait partie de ses, elle qui fait partie de ses, de sa création ou de ses créatures. Et à titre d'exemple, la pluie. À titre d'exemple, la pluie. Comme il nous dit le shirk وَيَنْشُرُ رَحْمَةَ, lorsqu'on revient par rapport à ça, au verset وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ, c'est-à-dire il répand sa miséricorde. Et comment ça se traduit donc ici, comment il répand sa miséricorde? Il nous dit le shir وَيَا مِنْ أَثَارِ رَحْمَتِي, ça fait partie des effets de sa miséricorde. أَلَّتِي يَسِفَتُونَ مِنْ صِفَاتِي, donc sa miséricorde fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jalla, c'est un de ses attributs. Mais cette miséricorde va se traduire par rapport aux créatures par des effets, et parmi ces effets, la pluie. Donc la pluie, lorsqu'elle descend, ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça fait partie de l'effet, lorsqu'on en dit ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, on comprend que ça fait partie de l'effet de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc à partir de là, on comprend que Ar-Rahma, ou la deuxième miséricorde ici, va se traduire à travers en fait ces makhlouqat, va se traduire à travers ces créatures, et qu'elle est donc l'effet de ce qui est propre à Allah Azza wa Jalla, et qui va donc se traduire à titre d'exemple, comme on a dit dans ce verset, la pluie. Il va nous citer un autre verset également, le shir wa la in adaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. C'est-à-dire que si nous faisons goûter à la personne de notre part une miséricorde, thumma nous enlevons de lui cette miséricorde, alors il devient ingrat. Il devient ingrat. Il désespère et il devient ingrat. Wallah al-musta'an. Donc on voit bien ici que cette rahma, c'est bien sûr l'effet, on comprend que c'est l'effet de sa miséricorde qui va donc se traduire par les biens qu'Allah Azzawajal donne à l'être, et qui est en fait qui est de sa miséricorde, qui est l'effet de sa miséricorde. Donc cette miséricorde qu'il donne ou qu'il, comme a fait l'aya thumma naza'na, et qui ensuite l'enlève, la supprime. Ensuite le shir, il passe à un deuxième verset qui est fait suratu Zukhruf, et qui est le verset suivant. Qawluhu ta'ala wa idha qala Ibrahim li abi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani wa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Donc le verset celui suivant. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi son descendance. Peut-être reviendront-ils. Le shir va nous expliquer ici que dans ce verset, on a exactement la signification de la ilaha illallah. Kalimat al-tawhid. La ilaha illallah. Et comment cela? Dans la première partie du verset, donc lorsque Ibrahim a dit à son père et a dit également à son peuple, innani bara'um mimma ta'budun, innani bara'um mimma ta'budun, ici c'est bima'na la ilaha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration. Innani bara'um mimma ta'budun, donc on voit bien qu'ils les ont pris par ou pour adoration, ils les ont pris pour divinité. Ce, bien sûr, ce qu'adorait le peuple, ce qu'adorait le père et le peuple d'Ibrahim. Ils adoraient bien sûr les statues, comme cela est connu. Et ils les avaient pris donc comme idoles, et donc ils leur vouaient une adoration complète. Donc la première chose qu'a fait Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, il s'est désavoué de cette adoration. Et ça, c'est bimarna la ilaha. Et c'est ce que comprend la ilaha. Lorsqu'on dit la ilaha, et bien sûr, ce qui veut dire la ma'bouda bihaqqin, ce qu'on a traduit par la ma'bouda bihaqqin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre être adoré méritant l'adoration. C'est la première chose qu'a fait Ibrahim. Il se désavoue de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah Azzawajal. Et ça, bien sûr, c'est la première condition. C'est la première condition qui est citée dans la ilaha illallah, dans la parole la ilaha illallah, kalimat al-tawhid. Donc c'est une condition d'acceptation, c'est-à-dire que si cette condition n'est pas validée, si on n'a pas désavoué les autres idoles, alors à ce moment-là, il faut savoir que on n'a pas concrétisé la parole la ilaha illallah. Si on ne s'est pas désavoué de ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal. Donc c'est la parole de Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun, et qui bimarna la ilaha. Ensuite, la deuxième partie, et qui se trouve dans le deuxième verset, illa alladhi fatarani. Donc on voit ici illa, une exception, illa alladhi fatarani, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Et ici c'est bimarna illallah, bimarna illallah. Et donc bien entendu ici la signification, à l'exception de celui qui m'a créé, illallah, celui qui m'a créé, c'est bien sûr Allah Azzawajal, car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc c'est la deuxième partie, la deuxième condition, c'est qu'après avoir s'être désavoué de ces idoles qu'on adorait en dehors d'Allah Azzawajal, il a attesté l'adoration pour Allah lui seul, illallah. Donc ma'na la ilaha illallah, et donc c'est ici kalimat al-tawhid qui est dit par Ibrahim, إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. Et il nous dit le Cheikh, وهذه الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه في عقبه ومنهم من وفق الله عز وجل لتمسك بها لتمسك بها ومنهم من كان بخلاف ذلك. Donc il nous dit que cette parole là qui est la parole du Tawhid, c'est celle donc qu'il a laissé Ibrahim dans sa descendance. Et parmi sa descendance, il y a ceux qu'Allah Azza wa Jal leur a donné leur accord. وَمِنْهُمْ مَنْ وَفَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِ تَمَسُّكِ بِهَا. C'est-à-dire qu'ils se sont raccrochés, ils se sont accrochés. Ils ont compris, ils ont accompli ce qu'impliquait cette parole, la ilaha illallah. Et donc ce sont ceux qui rentrent. Et ce sont ceux qui ont été parmi bien sûr les musulmans, comme Ibrahim était un musulman. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ. C'est-à-dire ceux parmi sa descendance à Ibrahim qui ont fait le contraire de cela et qui n'ont pas concrétisé cette parole et qui ont été à l'inverse de cette parole-là. Allah al-Musta'an. Et il nous dit, comme ce verset, il y a beaucoup d'autres versets qui sont venus pour ce qui concerne Ibrahim. Et il va en citer certains, il va en citer même beaucoup les chers, on en cite certains, comme la parole qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. Ça c'est في سورة الشعراء, le verset 75 et le verset 78. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Il dit, que dites-vous de ce que vous adoriez? Antum wa aba'ukum al-aqdamun. Vous et vos vieux ancêtres. Fa innahum aduwwun li illa rabb al-alamin. Ils sont tous pour moi des ennemis. Tous pour moi des ennemis. C'est-à-dire ici, Ibrahim se désavoue de ce qu'ils adorent. De ce qu'ils adorent, eux et leurs ancêtres. Fa innahum aduwwun li. Désavouement. Et ça vient bien sûr dans la marna la ilaha. Illa, donc on voit encore ici, illa rabb al-alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Sauf, ils sont tous pour des amis, sauf le Seigneur de l'univers qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Donc on voit également ici la parole la ilaha illallah qui est prononcée à travers cette expression par Ibrahim par rapport à son peuple. Encore un autre verset que l'on cite et qui est le suivant, وَقَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِي مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Certes, vous avez eu un bel exemple, bien sûr à suivre, hein, Ibrahim. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Et ceux qui ont été avec eux, ceux qui l'ont suivi Ibrahim dans son tawhid, quand ils dirent à leur peuple, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ. C'est-à-dire ici, nous nous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Donc ici, la ilaha. Ou la ilaha. Naam, la ilaha. Ici, la ilaha. Mimma ta'budun min dunillah. En dehors d'Allah azawajal. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Kafarna bikum. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. C'est-à-dire jusqu'à que vous adoriez Allah Azza wa Jal lui seul. Donc vous concrétisez cette parole. Donc on voit ici, nous nous désavouons vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarés jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, jusqu'à que vous croyez en Allah seul. Et d'autres encore versets que le Shir nous cite et qui sont dans le même sens. Donc on voit que Ibrahim, il a concrétisé le tawhid, et que ceux qui se disent de la descendance d'Ibrahim et qui se réfèrent à Ibrahim, s'ils sont sincères, alors qu'ils concrétisent le tawhid comme lui il a concrétisé à travers les versets que nous a cités Allah Azzawajal et qui relatent les paroles pures de l'unicité d'Allah Azzawajal qu'a prononcé Ibrahim. Ensuite le shir il passe à un autre verset qui se trouve fi surat ad-dukhan, la fumée, fi surat ad-dukhan, et qui est le verset 40 jusqu'au verset 42, et qui est la parole d'Allah suivante: qawlu ta'ala inna yawma al-fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an wa la hum yunsarun إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. En vérité, le jour de la décision sera leur rendez-vous à tous. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. Le jour où un allié ne sera d'aucune utilité à un autre allié, et ils ne seront point secourus non plus. Illa man rahimallah, sauf celui qui Allah fera miséricorde. Inna huwa al-aziz al-rahim, car c'est lui le puissant, le très miséricordieux. Il nous dit le shir yawm al-fasl, qui est traduit ici par le jour de la décision, yawm al-fasl wa yawm al-qiyama, c'est le jour du jugement, wa yawm al-qiyama, et ça fait donc partie des noms, et il en a beaucoup. Yawm al-qiyama, Yom al-Akhir, il a beaucoup de noms, on avait déjà cité 19 qui se trouvent dans le Coran. Comme قال الله عز وجل لا تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم لا تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Yawm al-Qiyama. Yafsilu baynakum. Donc on revoit qu'il est repris ici le verbe yafsil. Et on retrouve donc le nom de Yawm al-Qiyama dans le verset qu'on étudie, Inna Yawm al-Fasl. Donc on voit ici pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a nommé ainsi. Yafsilu baynakum. Il, donc Allah, décidera entre vous. Et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Il dit le shirf a yafsilullah bayna al-mu'minin wal-kafirin. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va faire séparation entre les croyants et les kuffar. Donc lorsqu'on dit le jour de la décision, on peut dire également le jour de la séparation. Là où Allah Azza wa Jal fait la séparation entre les croyants et les kuffar. Donc on peut traduire également comme cela, yawm al-fasl, le jour de la séparation. فيدخل الكفار النار ويدخل المؤمنين الجنة ويفصل بين الخلق فيما يختصمون فيه كما قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Ensuite, après avoir fait donc séparation entre les croyants et entre les kuffars, il faudra rentrer les kuffars, les mécréants, dans le feu, et il faudra rentrer les croyants dans le paradis. Et il décidera donc par rapport aux créatures dans ce qu'il débattait, c'est-à-dire qu'il leur donnera al-haq, il leur donnera le droit par rapport à ce qu'il débattait, il leur fera voir la vérité comme il l'a cité Allah Azza wa Jal, thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Et ensuite au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Donc vous débattrez, vous disputerez par rapport à ce qui s'est passé dans la vie d'ici-bas, par rapport à vos conflits dans la vie d'ici-bas. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va décider et c'est lui qui va faire apparaître la vérité du faux, subhanahu wa ta'ala. Donc al-faslu bi insaf al-mazlum min adh-dhalim, comme nous dit le shir. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va donner justice par rapport à celui qui a été ou sur qui injustice a été faite, al-mazlum. وذلك بإعطائه من حسناتي وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على الظالم. C'est-à-dire, il nous dit le cheikh ici comment ça va se traduire par rapport à celui qui a fait injustice, celui qui a fait injustice et celui qui a été ou sur qui a été fait injustice, le mazloum. Il dit qu'on va prendre des hasanat de celui qui était injuste et on va les donner à celui bien sûr qui était sur qui a été fait injustice. Et s'il n'a pas cette personne de hasanat, alors on va prendre sayyat al-mazloum, c'est-à-dire qu'on va prendre les mauvaises actions de celui à qui a été fait injustice et on va les placer, et on va les donner à celui qui a fait injustice. يدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه. Il va donc nous rapporter par rapport à selon un hadith qui est connu et qui a été rapporté par l'imam Muslim, hadith d'Abu Huraira. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال أتدرون من مفلس أم المفلس. Ça c'est un hadith qui est عظيم et qui nous fait beaucoup réfléchir par rapport à ce qui va nous attendre pour ceux qui commettent injustice de par leur langue envers les personnes, de par leurs membres envers les personnes. Il nous dit le prophète, Atadroum al-Muflis, il va donc demander à ses compagnons, quel est al-Muflis, le Muflis qui est en vérité le ruiné. Et lorsqu'il nous dit Atadroum al-Muflis, le véritable Muflis, celui qui est réellement considéré comme la personne qui est ruinée, la véritable personne. Pourquoi? Parce qu'ils vont leur répondre, les compagnons, par rapport à eux, ce qu'ils connaissent, par rapport à cette vie d'ici-bas. Qalou al-Muflis fina, man la dirham lahu wa la mata'a. Et donc ils vont répondre, les compagnons, ils vont dire, le Moufli, celui qui est régné chez nous, et ni autour de nous, c'est celui qui n'a pas de dirham, c'est-à-dire qui n'a pas d'argent, et qui n'a pas de bien. Ça c'est une personne pour nous qui est ruinée, qui est considérée comme ruinée. Et ensuite le prophète sallam, il va leur répondre qui est réellement le Mouflis. Parce que cette personne-là dans la vie d'ici-bas, elle est ruinée aujourd'hui. Demain, Allah Azzawajal peut lui faire largesse, taïb, et devenir riche. Alors que ce que va nous informer le prophète sur le véritable Mouflis, c'est là où la personne jamais il ne pourra revenir par rapport à sa ruine. Il sera réellement ruiné. Donc c'est le véritable ruiné dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous informant du véritable ruiné, Fayaqul innal muflisa min ummati. C'est-à-dire le ruiné de ma communauté. Man yati yawm al-qiyamah. Donc de ma communauté, il est en train de parler des musulmans, de la communauté musulmane. Man yati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Cette personne-là, elle vient le jour du jugement avec des prières, avec des jeûnes. Il a prié, il a jeûné, avec des zakat, c'est-à-dire avec des impôts. Subhanallah. Regardez, il vient avec tout cela, cette personne-là. C'est-à-dire qu'il a fait des bonnes actions. C'était un musulman. Lakin mada fa'ala wa yati qad shatama hadha. Il vient alors que malgré cela, malgré ses bonnes actions, il a insulté cette personne. Shatama hadha. Donc il a fait du mal et de l'injustice avec sa langue. Wa qadhafa hadha. Qadhafa hadha également, il a fait également ici injustice avec sa langue, c'est-à-dire yani al-qaf, parce qu'on par exemple, on dit d'une personne qu'il a fait le zina. Nattahim, nam, fausse accusation. Wa akala mala hadha, c'est-à-dire qu'il a mangé l'argent, bien sûr par injustice de ces personnes-là. Wa safaka damma hadha, donc tout cela rentre ensuite dans ce qui est considéré comme l'injustice faite avec les membres. Wa safaka damma hadha, c'est-à-dire qu'il a fait couler le sang de celui-là. Wa daraba hadha, il a frappé celui-là. Donc tout cela rentre. Dans un premier temps, il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui rentre dans la justice faite avec la langue, et ensuite ce qui rentre dans la justice faite avec les membres. Qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne-là? Fayurta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Donc on va prendre des hasanats de cette personne-là, de celui qui a fait injustice, par rapport sur qui injustice a été faite. Et on va lui donc lui donner de ces hasanats. Taïb. Et s'il n'y a plus de hasanat à la fin, fa'in faniyat, s'il n'y a plus, il ne reste plus de hasanat avant que justice ait été faite par Allah Azzawajal par rapport à celui à qui a été fait injustice, alors qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Qu'est-ce que il va advenir à cette personne? Ukhidha min khatayahum, c'est-à-dire qu'on va prendre donc des péchés et des mauvaises actions faites par celui sur qui injustice a été faite, et donc on va les donner, on va les jeter à cette personne-là, celui qui a fait injustice. Thumma turiha fi an-nar, et donc ensuite, bien entendu, il n'y reste plus de hasanat, alors il sera jeté dans le feu. Wallah al-musta'an. Ça, c'est vraiment la personne qui était ruinée réellement. Ruinée. C'est-à-dire qu'elle avait un capital, elle avait des bonnes actions, et par rapport à toutes les mauvaises actions qu'elle a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a tout perdu. Elle a été ruinée. Et ça, c'est le véritable. Celui véritablement qui a été ruiné, comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un rappel pour les personnes, par rapport à notre langue, par rapport à nos membres, de faire bien attention, de faire injustice par rapport aux gens. Wallah al-musta'an. Ensuite, il nous dit, le shir, bien sûr, que Yom al-Fasl, c'est le jour qu'ont dénié les kuffars. Comme il dit Allah Azza wa Jal, وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Et ils diront malheur à nous, c'est le jour de la rétribution. يوم الدين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Donc Allah Azza wa Jal reprend un des noms de Yom al-Qiyamah, Yom al-Akhir, ou Yom al-Fasl. Hada Yom al-Fasl, alladhi kuntum bihi tukadhibun. C'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. Donc le jour où séparation est faite, le jour de la décision. Wallah al-Musta'an. Il nous dit, wa huwa al-yawm alladhi yamuju an-nasu ba'dhum fi ba'd. C'est le jour en fait où souvent vont se mélanger les uns aux autres. Les gens vont se mélanger les uns aux autres. Et donc c'est ce qu'on va voir dans les cours. Ce qu'on va voir dans les cours de Tawhid, c'est-à-dire le Mouqif, lorsque les gens se mélangent les uns aux autres, lorsqu'ils attendent, et qu'ensuite va advenir Shafa'a, fayastashfi'una bi Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa, fayahtadhiru kullu wahidin minhum, thumma ya'tuna li nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa yatlubuna minhu Shafa'a, Shafa'a ila Allah, wa yatlubuna minhu Shafa'a ila Allah. لفصل القضاء بينهم فيشفع ويشفعه الله عز وجل ويأتي الفصل بين عباده وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون لاستفاداتهم جميعا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. Et donc ce jour-là c'est le jour où ils vont demander la shafa'a, l'intercession. Fayastashfi'un, c'est-à-dire qu'ils demandent l'intercession. Et ils vont aller voir les gens Adam, ils vont aller voir Nuh, ils vont aller voir Ibrahim, ils vont aller voir Moussa, ils vont aller voir Isa. Ils vont tous lui demander la shafa'a, qu'ils intercèdent auprès d'Allah Azza wa Jalla en leur faveur. Et tous, fayahtadhiru kullu wahidin minhum, tout le monde, tous ces prophète qui faisait partie des meilleurs des hommes, qui faisait partie parmi les meilleurs des hommes, ils vont tous s'excuser par rapport à cela. Ils vont donc devenir au dernier des messagers, qui est le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont lui demander l'intercession auprès d'Allah Azza wa Jal. Ifasli al-qada'i baynahum, afin bien sûr qu'il juge et qu'ils décident entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui être accordé, bien sûr, comme il nous l'a dit avant qu'il meure, qu'il avait gardé cette shafa'a, qu'il avait gardé cette intercession pour sa communauté le jour du jugement. Wa yushafi'u Allahu azza wa jalla, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla va accepter son intercession. Wa yati lil fasli bayna 'ibadi wa hadhihi shafa'atu ya shafa'atu al-'uzma. Donc, décision va être faite et séparation va être faite entre ces créatures. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى. Et cette shafa'a, cette intercession, c'est la plus grande intercession majeure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu de droit. وهي أول الشفاعات, c'est la première des intercessions. Il faut savoir que l'intercession majeure qui est de droit au prophète sallallahu alayhi wa sallam sera la première des intercessions. وهي المقام المحمود, comme Allah Azza wa Jal a dit dans son livre, عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal va t'envoyer, عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, c'est-à-dire une place, il va t'envoyer une place qui va être élogée. C'est-à-dire on va faire éloge par rapport à cette place. Al-awwalun wal-akhirun, c'est-à-dire les premiers et les derniers. Pourquoi? Parce que tout le monde va profiter, l'istifadatim jami'an, c'est-à-dire tout le monde va profiter de cette shafa'a, la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont faire éloge par rapport à cette place, et cette place bien sûr qui est demandée. Et ensuite le cheikh nous dit, وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْوَقْتَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, dans ce jour, le jour du jugement, c'est le jour où Allah Azza wa Jal va décider entre ses créatures. كَمَا فِي هَذِي الْآيَةِ وَكَمَا قَالَ Allah Azza wa Jal, إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا وَقَوْلُهُ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ الْأَوَّلِينَ. Et donc, il nous rappelle le shir d'autres versets qui prouvent cela, comme nous a prouvé le verset que l'on a cité. Inna yawm al-fasli kana miqata. Le jour de la décision, c'est-à-dire du jugement, à son terme fixé. Hadha yawm al-fasl. Jama'naakum wal-awwalin. C'est-à-dire ceci est le jour du jugement. Ceci est le jour de la décision, où nous vous réunirons ainsi que les anciens. Et ce jour-là, وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانُ إِلَّا مَا قَدَّمَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ, ce jour-là, la personne, ce qui va lui être utile seul, ce qu'il va présenter comme bonne action. وَلَا يُغْنِي فِي قَرِيبٌ عَنْ قَرِيبِهِ كَمَا فِي هَذِي الْآيَةِ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولهم ينصرون, c'est-à-dire que ce jour-là même le proche ne sera d'aucune utilité par rapport à son proche. كما قال الله عز وجل يوم يفر مرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, de sa mère et de son père, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, de sa compagne et de ses enfants. Ce jour-là, ce qui était le plus cher auprès de toi, subhanallah, ce jour-là, ce qui était le plus cher en cette dunya auprès de toi, comme tes enfants, comme ton père, comme ta mère, comme ton épouse, ce jour-là, tu vas t'enfuir de ces gens-là. Il n'y aura plus que ta propre personne qui va compter. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Et comme a dit Allah Azza wa Jal, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِي شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِي شَيْئًا. Et craignez le jour, craignez le jour, ou redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre. وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَالَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَالَدِهِ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. وخشوا يوما, c'est-à-dire ayez la crainte d'un jour. لا يجزي والد عن والده لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Redoute un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. وقوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سورة المؤمنون qui est le verset 101. فإذا نفخ في الصور, lorsqu'il sera donc soufflé dans le corps, فلا أنساب بينهم يومئذ, il n'y aura plus de parenterie entre eux ce jour-là, comme si c'était des étrangers. يومئذ ولا يتساءلون, et ils ne se poseront pas de questions entre eux. Ensuite le shir il nous dit que celui qui va réussir ce jour-là à Valium, c'est celui dont Allah Azzawajal lui a fait miséricorde, uniquement celui dont Allah Azzawajal lui a fait miséricorde. Illa man rahimallah, comme c'est dans notre verset, illa man rahimallah, sauf à qui Allah Azzawajal lui fait miséricorde. Innahu huwa al-azizul rahim, innahu huwa al-azizul rahim. Et donc il a terminé ce verset en citant Allah Azzawajal deux de ses noms, Al-Azizu wa Al-Rahim. C'est-à-dire ici, Targhibun wa Targhib. Allah Azzawajal, il nous fait peur et il nous donne espoir. Il nous fait peur par son nom, Al-Azizu. Fawa Azizun yu'aqil man yastahiq al-uquba. C'est-à-dire qu'il est donc Aziz, le Tout-Puissant. Il est celui qui punit celui qui mérite la punition. Fahada tarhib. Wa rahim biman yatafaddal alayhi birrahma. C'est-à-dire qu'il est miséricordieux par rapport à celui à qui il fait miséricorde. Et donc, bien sûr, ici, c'est espoir qu'Allah Azzawajal nous donne. Et dans ce style de verset, il y en a d'autres, comme le shir nous cite, comme la parole d'Allah Azzawajal. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. C'est-à-dire sachez qu'Allah Azza wa Jal il est le dur en châtiment et qu'il est le miséricordieux. Qu'il est le miséricordieux, le clément, le miséricordieux. وقال نأبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. C'est-à-dire fais annonce à mes serviteurs que je suis le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wa anna 'adhabi huwa al-'adhabu al-alim. Et que mon châtiment, c'est le châtiment dur, le châtiment douloureux. Et ensuite il cite d'autres versets, le shir, qui vont dans ce sens. Et bien là on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.